Non, j'étais pas en train de bailler. Presque, mais j'ai pas bailli. En même temps, comment je peux bailler si je suis en train de surveiller mon quartier? « 500 mètres plus loin, Perrette approche de la maison des voisins vigilants. Une jolie petite maison en pierre avec un toit de chaume. Oh, bien sûr, il y a quelques entorses à la réglementation thermique, mais tout de même, quand on a du feu et des pots de bêtes à proximité, c'est le genre de maison où il fait bon vivre et espionner depuis les fissures dans le mur. » Elle approche. Elle approche. Elle approche. Elle approche. Elle approche. Ouais, si c'est encore pour demander à exploiter Tim, il va, va y avoir du foin qui va voler. Ça y est, je fais un accent. C'est parti. Ouais, enfin, si c'est pour encore demander à exploiter Tim, il va y avoir du foin qui va voler. Hein. Alors, elle approche. Ok, bah c'est parti pour le faire avec un accent. Ouais, si c'est encore pour demander à exploiter Tim, il va y avoir du foin qui va voler. Si c'est encore pour demander à exploiter Tim, il va y avoir du foin qui va voler, c'est moi qui te le dis. Non, on va juste rester vigilant. Non, on va juste rester vigilant. Non. On va juste rester vigilant. Ben voilà, ça va prendre. Non, on va juste rester vigilant. Et ouais, je vais me prendre un bon petit, une bonne petite bouteille. J'adore le pinard. Je sais pas encore. Mais si on n'est pas vigilant, on saura jamais si on a intérêt à l'être ou pas. Je ne sais pas encore, mais si on n'est pas vigilant, on ne saura jamais si on a intérêt à l'être ou pas. Mais si on n'est pas vigilant, on ne saura jamais si on a intérêt à l'être ou pas. Tiens, on dirait qu'elle porte quelque chose sur la tête. Ça ressemble à un pot. Elle avance à grands pas. Elle avance à Aragorn. Tiens, on dirait qu'elle porte quelque chose sur la tête. Ça ressemble à un pot. Elle avance à grands pas. Elle avance à grands pas. T'as le léger et gros vêtu? Bah oui, comme tout le monde. Tu connais des gens qui portent des vêtements longs? Bah oui, comme tout le monde. Tu connais des gens qui portent des vêtements longs? M'étonnerait. M'étonnerait. M'étonnerait. Attention, elle va passer près d'ici. Ne fais pas de bruit. Attention, elle va passer près d'ici. Ne fais pas de bruit. Attention, elle va passer près d'ici. Ne fais pas de bruit. Ne fais pas de bruit. Ça y est, elle est passée. C'est louche. J'avais raison d'être vigilant. Ça paye enfin. C'est louche. J'avais raison d'être vigilant. Ça paye enfin. C'est louche. J'avais raison d'être vigilant. Ah, ça paye enfin. Laisse-moi voir. Il n'y a plus rien à voir, elle est partie vers la rivière. Il n'y a plus rien à voir, elle est partie vers la rivière. Il n'y a plus rien à voir, elle est partie vers la rivière. Où? Où? Où? Là, je baille. Pardon. C'est très louche ou je m'y connais pas. C'est très louche ou je m'y connais pas. Liv. Il approche plus de la maison normalement. Enfin, c'est de plus en plus louche. Olive, mais il approche plus de la maison normalement. Oh, tout ça de plus en plus louche. Tout ça devient vraiment de plus en plus louche. C'est de plus en plus louche. Et alors voilà, avec moins de poterie encore. La revoilà, et avec moins de poterie encore. C'est bizarre. Et revoilà Olive maintenant. C'est bizarre. Et revoilà Olive maintenant. Bon, c'est vraiment trop louche. Je vais lui demander. On se promène? On se promène? Ou alors on se promène? Alors on se promène? Ah oui. Tiens, donc, ma femme a vu, par inadvertance, que la tienne passait par là aussi, et ton fils aussi. Bah, tiens, le voilà qui revient d'ailleurs. Ah ouais? Ah oui, tiens non. Ma femme a vu, par inadvertance, hein, que la tienne passait par là aussi, et ton fils aussi d'ailleurs. Tiens, tiens, le revoilà qui revient. Ah oui, tiens non. Ma femme a vu, par inadvertance, que la tienne passait par là aussi, et ton fils aussi. Ah bah tiens, le revoilà qui revient. D'ailleurs. Tiens, le voilà qui revient d'ailleurs. Ah oui, pour la poterie. Ah oui, pour la poterie. Ah oui. Ah oui, pour la poterie. Bon, pas de problème. Pas de problème. Oh, pas de problème. C'est bon, vous pouvez passer. On vous avait à peine remarqué. Oh, c'est bon, vous pouvez passer. On vous avait à peine remarqué. Ah oui, cette histoire-là. J'avais complètement oublié que ça m'était sorti d'abord. Ah oui, cette histoire-là, oui. Oh bah, j'avais complètement oublié que ça m'était sorti de la tête. Bah, j'avais complètement oublié que ça m'était sorti de la tête. Il avait beaucoup travaillé. Il avait beaucoup travaillé. Il avait beaucoup travaillé. Bon, bah dans ce cas, entre. En plus, il fait gris. Et ton fils? Bon, alors dans ce cas, entre. En plus, il fait gris. Et ton fils? Oh, il a grandi, hein. Il est né quand? Ah ouais, déjà. Ça passe vite, dis donc. Il a grandi, il est né quand déjà? Ah ouais, déjà, ça passe vite, hein? Oh, qu'est-ce que ça passe vite? Oh, les gosses, c'est tout petit comme des haricots, et tu fermes les yeux, et ça devient déjà des haricotiers. Comment ça, 5, il en a avec 2? Mais comment ça, 5? Il n'y en a donné que 2? Comment ça, 5? Il n'y en a donné que 2? Voilà, bon, dégueu, bon, dégueu, bon, dégueu.